quatrième et dernier temps de notre semaine titrée « Vive les auditeurs » et consacrée à ces auditeurs et auditrices qui nous écrivent sur les réseaux sociaux pour publier leurs recherches amateurs ou professionnelles en histoire et en patrimoine. Ce matin, l'histoire en région. Après vous avoir parlé lundi avec ces auditeurs et auditrices de l'histoire de la santé, de l'histoire de la médecine ou de la Grande Guerre, mardi des youtubeurs et youtubeuses de l'histoire, d'histoire des métiers mais aussi d'histoire du Moyen-Âge hier avec des doctorantes, nous nous intéressons ce matin avec Anaïs Quin de la Fabrique de l'Histoire à tous ces sites qui promeuvent l'histoire en région, l'histoire régionale. Au programme ce matin, NNVOR, un site sur l'histoire bretonne qui sera pendant toute la première partie de cette émission, même une large partie de cette émission. Nous allons en parler avec certains de ceux qui y participent. Également, en dernière partie de cette émission, l'histoire du patrimoine du département de la Manche. Bonjour mademoiselle. Je vois que vous arrivez avec votre valise. Vous arrivez de Bretagne? Oui madame, j'arrive de Rospordin. De Rospordin? Et alors? Sans travail. Vous êtes sans travail. Il n'y a plus de travail là-bas. Vous travaillez où là-bas? Dans une usine de conserve. Dans une usine de conserve. C'est fermé maintenant. Eh oui, bien sûr, c'est le problème. Et alors, vous n'avez pas de famille à Paris? Personne. Personne. Vous voulez être logé alors? Oui. Employé dans une maison bourgeoise ou dans un commerce? Il vaudrait mieux dans un commerce. Oui, vous avez peut-être raison. Vous savez bien calculer. Vous avez, vous préférez dans un commerce. Oui. Parce que quelquefois, on travaille dans l'appartement et puis on aide un petit peu de temps en temps à la boutique. C'est intéressant. Oui. Eh bien, on va vous chercher ça, mon petit. Thomas Perronon, on se trouve devant la gare Montparnasse. C'est ça. Par laquelle arrivaient justement toutes ces jeunes femmes qui venaient proposer leurs services en tant qu'employées de maison. À partir de quelle date d'ailleurs exactement? La fin du 19e siècle. Notamment bah, justement avec l'arrivée du train en Bretagne dans les années 1860. Donc permet une immigration plus massive de la Bretagne vers Paris. On est devant la porte Océane de la gare Montparnasse, donc c'était pas exactement cet endroit-là, puisque avant la gare Montparnasse était située en face de la rue de Rennes, donc un peu plus loin. Ils arrivaient par là. Est-ce qu'on arrive à savoir qui étaient ces jeunes femmes qui arrivaient à Paris en quête d'un emploi? On sait que c'est davantage des jeunes rurales. L'immigration est d'abord rurale, à la fois à l'intérieur de la Bretagne, vers des zones urbaines comme Rennes, mais aussi donc vers l'extérieur de la Bretagne, dont Paris, ou plus secondairement comme des zones comme le Havre. Et Paris reste la première ville d'émigration bretonne. Il y a un personnage qu'évidemment on connaît bien partout en France, c'est Bécassine, qui elle quitte sa campagne pour aller travailler à Quimper notamment, dans un premier temps. C'est là qu'elle va faire son apprentissage d'employée de maison, un petit peu une employée à tout faire. Est-ce qu'il y a des étapes comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que jeune femme, on travaille d'abord dans une grande ville bretonne et puis ensuite on gagne Paris ou pas forcément? Je pense que c'est possible qu'il y ait ce type de parcours, mais il y a aussi énormément de jeunes filles qui partent directement depuis leur ferme pour travailler, qui viennent à Paris. Notamment au début du XXe siècle, ça se fait de façon assez spontanée. Et certaines débarquent littéralement à Montparnasse et vont devoir trouver à se faire embaucher. Et après, petit à petit, au fil du XXe siècle, se met en place des sortes de filières par l'entremise d'une sœur, d'une tante, ou voilà, par exemple. Et on peut réussir à se faire placer de cette façon-là, quoi. Qui peut faire l'intermédiaire entre la bourgeoisie parisienne qui cherche des employés de maison et ces jeunes femmes qui cherchent de l'emploi. Il y a aussi une chose importante, ce sont les sociétés d'entraide bretonnes, notamment dès la fin du 19e siècle, des sociétés religieuses, comme la paroisse bretonne de Paris, qui est basée dans l'église Notre-Dame-des-Champs, donc à quelques centaines de mètres justement de l'ancienne gare Montparnasse. Et l'abbé Caïdi, qui a fondé cette paroisse bretonne, essaye d'aider à placer ces jeunes bretonnes qui arrivent à Paris pour travailler. Alors, il essaye de les aider, il essaye de les surveiller un peu aussi. Voilà, il y a le double projet, on peut dire, à la fois de justement... Parce que les Bretonnes sont vues de façon... Là, il y a une question d'histoire des femmes à faire. Voilà, sont vues comme de bonnes chrétiennes. Et donc, plaisent beaucoup à la bourgeoisie parisienne, mais à la fois aussi, voilà, de la part du clergé breton sur place, c'est d'essayer de les conserver justement dans cette christianité, enfin, ce christianisme, voilà. Une forme de pureté virginale aussi. C'est ça, tout à fait. Parce que justement, il y a beaucoup d'écrits, notamment justement de la part de ce clergé, qui montrent en fait que Paris est vu comme l'enfer, en fait, quoi. Voire même Sodome. Donc voilà, elles vont être perverties par la ville, quoi. Donc le but, c'est vraiment, dès leur arrivée à Montparnasse, il y a des gens qui sont là avec des bannières de la paroisse bretonne, justement pour accueillir ces jeunes filles. Voilà, ça leur permet à la fois pour la jeune fille de trouver tout de suite du monde qui va les accueillir, de ne pas se sentir perdue, mais à la fois aussi justement de prendre ces jeunes filles et de les encadrer. Quand elles se font placer par la paroisse bretonne, elles doivent aller à la messe le dimanche matin. Voilà. La paroisse bretonne va durer jusqu'au cours des années 20, après Périclite. Et après, c'est la Mission Bretonne, donc une autre association religieuse, qui fait notamment du placement aussi, voilà, après la Seconde Guerre mondiale. Votre recherche est encore en cours. Est-ce que vous avez réussi à cerner un petit peu quelles étaient les conditions de vie de ces jeunes femmes ? Alors, d'après quelques témoignages que j'ai pu lire, il y a un bouquin qui avait été sorti par Didier Violin, dans les années 90, avait réussi à récolter quelques témoignages de jeunes filles. Et puis aussi, ben justement, dans les écrits de ces religieux du début du XXe siècle, on rapporte des conditions de vie assez difficiles. Alors après, il faut faire aussi, des fois, la part des choses, quoi. Mais voilà, c'est la vie de la maison. Donc, du lever des enfants très tôt le matin jusqu'au coucher très tard le soir, quoi. Et puis, généralement, elles avaient une demi-journée ou une journée, au mieux, le dimanche, pour elles, voilà. Et pour aller à la messe. Et notamment pour aller à la messe, voilà, c'est ça. Allô ? Oui, madame ? Bonjour, madame ? Oui ? Vous habitez où, madame ? Vous cherchez une petite... Dans le 7e. Et c'est une maison bourgeoise, une maison de commerce ? Oui. Vous voulez une petite bonne débutante ou bien... Je vous signale tout de suite, madame, qu'il y a très peu de jeunes filles en ce moment arrivées à Paris débutantes. Vous la logez où ? Bon, très bien. Quel gage donnez-vous, madame ? Oh, madame, non. Alors là, vraiment, vous voyez, j'allais vous dire de passer à mes bureaux pour donner les renseignements, mais 15 000 francs par mois, non, absolument pas. Une jeune fille en Bretagne, débutante, les gagne très largement aussi. Elle a raison, je ne vois pas pourquoi elle viendrait à Paris. Non, vraiment, madame. Bien écoutez, un minimum au moins de 25 000 le premier mois, et elles augmentent très rapidement après dès qu'elles sont mises au courant, mais à 15 000, non. Certainement pas. Alors je regrette, madame, mais je vous demanderai de ne pas passer à la maison de la Bretagne dans de telles conditions. Au revoir, madame. Ah, quelle audace elle a. Les exigences quant aux conditions de travail et quant aux conditions de vie de ces jeunes bonnes bretonnes vont évoluer au cours du XXe siècle, et les associations qui les encadrent vont devenir plus exigeantes avec les potentiels employeurs. C'est ça, il va y avoir, je pense, de toute façon, au niveau de l'immigration bretonne en général, elle va devenir de moins en moins une immigration subie, mais de plus en plus une immigration choisie. Donc notamment avec une césure autour de la Seconde Guerre mondiale, donc dans le second XXe siècle. Et ça a à voir avec la situation économique de la Bretagne elle-même. Notamment, puisque la Bretagne commence vraiment à se développer dans la seconde moitié du XXe siècle. Et donc il va y avoir à la fois sur place, voilà, les jeunes filles bretonnes vont devenir plus exigeantes, si on veut, voilà. Vont réclamer aussi, il y a des témoignages là-dessus, vont commencer à réclamer une sorte d'indépendance, parce qu'elles sont jusque-là logées souvent au sixième étage des chambres de bonne chez leurs employeurs, et vont commencer à demander à pouvoir se loger à l'extérieur. Mais en contrepartie, puisque ça faisait partie d'un dénommagement en nature d'être nourri, logé et blanchi, voilà, vont demander une augmentation de salaire, ce qui va être assez difficile pour leurs employeurs, parce que de loger quelqu'un et de faire manger avec, parmi la famille, ça coûte pas très cher, voilà, donner une augmentation de salaire pour que la bonne puisse se loger ailleurs, ça, voilà. Ce qui fait qu'il va y avoir aussi de plus en plus un recrutement qui va se faire au cours des années 60, 70, extérieur, même justement, les Bretonnes vont tomber un peu en disgrâce et aller vers des bonnes qui vont venir d'Espagne, voire même de Madagascar, des Philippines, et voilà. Donc une immigration plus lointaine. Mais d'ailleurs, dans votre article que vous avez publié sur NNVOR, donc cet article qui relate ce début de recherche que vous avez commencé, vous parlez d'une émission de l'ORTF de 1962 de Jeanne Dubreuil qui tente d'évaluer d'ailleurs l'intérêt de venir à Paris ou pas pour ces Bretonnes. Elle s'intitule « Pour ou contre Paris ». C'est ça. Et en plus, donc ça c'est à Paris, mais à la fois en Bretagne, comme les conditions de vie s'améliore ou des perspectives d'emploi, d'évolution de carrière pour ces jeunes filles. Même, donc la question se pose pour elles, quand on est en Bretagne, est-ce que ça vaut le coup d'aller à Paris, tenter une aventure qui peut être assez difficile au final, quoi. Parce que quand on est dans le service de maison, voilà, il y a toute la vie de la maison, donc on a très peu de temps pour soi, pour monter ses propres projets. Au final, est-ce que ça vaut vraiment... Puis comme il y a de la part justement de ces cadres bretons à Paris des fois, une peur de Paris qui est une ville qui pervertit les âmes et la pureté bretonne, donc voilà, ça fait une sorte de rejet quand même. On commence à hésiter. On commence à hésiter. Reste malgré tout généralement les plus pauvres d'entre elles, notamment dans le monde rural qui a très peu évolué, qui... un certain monde rural qui périclite malgré tout, voilà, vont continuer à venir à Paris dans ce type d'emploi, quoi. En fait, c'est là, on arrive à la fin de ce qu'on a pu appeler des fois les parias de Paris, quoi. Voilà, ces parias bretons, donc des petits emplois de bonne ou alors chez les hommes, ceux qui sont venus construire le métro parisien, quoi. Voilà. Et est-ce qu'on sait ce que deviennent ces jeunes femmes, parce qu'elles ne sont pas jeunes femmes toute leur vie? Est-ce qu'elles continuent? Elles font des carrières sur une vie entière dans une maison? Ou au contraire, elles changent de travail, elles changent de secteur? Peut-être même qu'elles rentrent en Bretagne? Il y a certainement un peu de tout ça. Voilà. Là, moi, c'est recherche que je n'ai pas encore suffisamment menée. Je pense que c'est souvent un passage dans la vie. Après, c'est possible que certaines aient fait une carrière entière, voilà, ou des retours en Bretagne, ou restées à Paris parce qu'elles se sont mariées avec un Parisien ou un Breton de Paris. Donc, voilà. Est-ce qu'on connaît l'âge moyen de ces jeunes femmes bretonnes qui arrivent à Paris? Elles peuvent arriver très très jeunes, à peine 20 ans. Voilà, il y a aussi les questions de voilà, qu'est-ce que la jeune fille devient? Est-ce qu'elle se marie en Bretagne avec un paysan ou partir vers ailleurs, quoi. Donc généralement, elles sont très jeunes. Le moment du choix de vie, finalement. C'est ça, tout à fait. Et alors, si on reprend un petit peu possession de ce territoire, à l'endroit où on est, Thomas Perronneau, donc on se trouve devant cette gare Montparnasse, comment s'organisent peut-être les institutions que fréquentent et qui s'occupent de ces jeunes femmes? Le quartier Montparnasse, c'est le quartier d'accueil, au final, des Bretons, même dans la toponymie des lieux, puisqu'il y a une rue de l'arrivée, une rue du départ qui encadre la gare Montparnasse. Et à côté, donc, il va y avoir, alors, petit à petit, donc, il y a la paroisse Notre-Dame-des-Champs, qui est à quelques centaines de mètres, donc, qui, dès le début du XXe siècle, accueille ces jeunes Bretons, Bretons et Bretonnes, parce qu'il y a aussi toute une vie culturelle qui commence à s'organiser autour de cela. Et puis il va y avoir, à partir des années 50, une maison de la Bretagne qui est juste sur le côté, en fait, juste à côté d'un cinéma aujourd'hui, et qui va être une sorte d'ambassade de Bretagne, donc pour faire valoir le tourisme breton, mais aussi pour toujours encadrer et guider les jeunes provinciaux qui arrivent à Paris. Alors, dans cette recherche que vous commencez, Thomas Perronneau, sur ces jeunes bonnes bretonnes qui venaient travailler à Paris, vous avez encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de sources à dépouiller. J'imagine aussi que vous allez aller voir dans les archives judiciaires pour voir un petit peu quels étaient les problèmes, lorsqu'il y en avait, avec ces jeunes femmes. Oui, il y a notamment ces sources judiciaires, parce qu'il y a une rengaine autour de justement la prostitution de ces jeunes bretonnes, entre autres. Il y a certainement beaucoup de fantasmes autour de ça aussi, quoi. Puisque justement, ces gens qui étaient là pour accueillir les jeunes bretonnes, à partir dans les années 50, là, on a des témoignages notamment d'un poète, auteur, chanteur breton très connu, Glenmore, qui... fait partie d'une sorte de dit qu'il fait partie d'une sorte de service d'ordre de la mission bretonne, qui sont là un peu pour faire les gros bras à l'accueil des jeunes bretons, mais au final il dit que c'est pas, il trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi, mais voilà. C'est pas forcément très nécessaire. Non, parce qu'il dit justement que dans les années 50, il y a des filières justement qui se sont organisées, on devient de moins en moins comme ça, enfin, à l'aventure, voilà, c'est de plus en plus organisé, donc les jeunes bretons se retrouvent moins livrés à eux-mêmes à leur arrivée à Paris. Après, il y a une part de réalité, mais aussi des fantasmes d'hommes qui sont à l'arrivée des trains pour soi-disant guider justement ces jeunes filles et puis qui les font passer dans la prostitution. Ça serait, voilà, il y a souvent dit que c'est beaucoup des Corses ou des méridionaux. Mais justement, il y a certainement une part de fantasme autour de ça, notamment. Enfin, il y a aussi toutes ces histoires autour de dans la Première Guerre mondiale, le mythe du méridional qui est plus feignant ou voilà, qui tire au flanc par rapport au soldat breton qui est courageux et valeureux, quoi. Et qui participe de ce monde de la pègre de la grande ville. C'est ça, tout à fait. Et alors cette recherche que vous venez de commencer, Thomas Perronneau, vous avez décidé d'en publier une petite partie, de l'annoncer et de commencer à raconter cette histoire des bonnes bretonnes au XXe siècle sur un site, sur le site NNVOR. Finalement, c'est assez peu fréquent que les historiens osent faire état de leur recherche alors qu'elle n'est qu'en cours. Justement, on essaye de changer un peu les choses, voilà, avec sur NNVOR, avec mes deux compagnons de route, Erwan Le Gall et Yves-Marie Evano. Donc on essaye de permettre aux jeunes chercheurs sur les questions de la Bretagne ou des Bretons, justement, qu'ils soient en Bretagne ou ailleurs, de permettre de publier très facilement, en ligne, gratuitement et ouvert à tous, quoi, voilà. Permettre de faire passer la recherche, et notamment vers le plus grand nombre, justement. C'est pour ça qu'on veut que ça soit gratuit, quoi, voilà. Et des recherches accessibles à tous et pas seulement aux spécialistes, aux historiens ou aux férus d'histoire bretonne. C'est ça. C'est qu'on veut vraiment que... voilà. Alors après, il y a différents formats. On a une revue qui se veut scientifique, donc voilà, des contenus plus charpentés, comme on pourrait le publier dans d'autres revues scientifiques. Mais là, justement, qui sont tournés vers les jeunes chercheurs, mais aussi tous les jours mettre des articles en lien plus simple d'accès et vraiment vers le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Thomas Perronneau ? Parce que c'est une forme d'écriture différente, c'est une temporalité différente de publier ses recherches petit à petit, au fur et à mesure des découvertes. Ça demande, justement, ça aussi, ça fait pas mal réfléchir, ça aide à faire foisonner les idées. Et puis, justement, ça maintient dans l'écriture, c'est important, l'écriture en histoire. Et c'est difficile, quand on est un jeune chercheur, d'écrire. Et donc voilà, ça permet de se faire la main aussi, malgré tout, d'écrire régulièrement de tout type de format, plus court, plus long, sur des sujets plus ponctuels et centrés, ou des sujets plus larges autour d'une plus problématique, plus charpentée. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Voilà pour ce reportage, Anaïs Quin, bonjour. Bonjour. Que vous avez enregistré avec Yann Fressier à la technique et réalisé par Françoise Camard avec Thomas Perronneau. Et on a compris pourquoi, à la fin de ce reportage, eh bien, on allait ouvrir le débat avec Erwan Le Gall. Bonjour. Bonjour. Votre nom a été cité par Thomas Perronneau parce que vous participez de cette petite bande qui a fondé ce site qui nous réjouit, je veux bien le dire, depuis plusieurs années, en particulier par vos contributions que vous postez sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire et qui s'appelle NNVOR. Alors déjà, c'est quoi NNVOR ? NNVOR, ça veut dire en mémoire de, et en breton. Et donc, c'est un nom qui n'était pas pris, donc déjà c'était c'était pratique. Et puis, notre slogan, c'est l'histoire contemporaine en Bretagne. On aimait bien jouer sur cette confrontation histoire-mémoire, c'est un peu classique. Donc, ça a donné un petit peu notre insolence à remettre des sujets qui peuvent être parfois un petit peu sensibles. Bécassine, par exemple, en étant en Bretagne. Donc voilà, c'est la philosophie du site. C'est quoi, vous nous l'avez dit, c'est qui NNVOR? Alors, NNVOR, c'est un comité de lecture, trois personnes. Donc moi-même, Yves-Marie Vanneau et Thomas Perronneau. Un premier noyau, puisque... Si on est nombreux, c'est compliqué. Bon, on est obligé quand même d'être dans une logique d'efficacité. Faites gaffe, parce que les trios en histoire, c'est généralement ça se termine mal pour les triumvirats. Il y en a toujours un ou deux qui sont suicidés ou tués par les autres. Les enjeux de pouvoir restent très modestes en ce qui nous concerne. Ce qui est étonnant, malgré tout, Erwan Langal, c'est la fréquence à laquelle vous publiez. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur l'histoire du centenaire de la Première Guerre mondiale, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux avec Emmanuel Laurentin, et puis on avait NNVOR partout. Comment vous arrivez à être aussi fréquent, aussi régulier dans la publication de, alors que ce soit des articles, des nouvelles, des petits papiers, ou simplement signaler un événement par ailleurs. Alors bon, il n'y a pas de secret, on travaille beaucoup et on aime ça. Mais je pense que ça vient vraiment de la généalogie du projet en fait. Comment est-ce qu'on a monté NNVOR? Ça remonte à il y a quelques années. Moi je faisais partie d'une équipe qui réfléchissait à la refondation du musée de la résistance de Saint-Marcel dans le Morbihan. Donc ce grand musée de la résistance avec les parachutistes du spécial air service et grand musée de la résistance mais qui manque malheureusement, n'a pas été rénové depuis une trentaine d'années. Donc ça pose les problèmes que vous imaginez. Et je faisais à cette époque-là partie d'une équipe donc qui réfléchissait à recontextualiser cette histoire-là du maquis de Saint-Marcel en prenant pourquoi est-ce qu'on en arrive là, donc 50 ans d'histoire avant, et à quoi ça a servi 50 ans d'histoire après. On arrivait à un siècle d'histoire contemporaine en Bretagne. Et moi, je m'occupais plus spécifiquement du volet web, l'idée étant de faire un site qui soit autre chose que les tarifs de la buvette et le plan d'accès au musée, et qui soit un site qui est tous les jours de l'actualité, avec également des contenus un petit peu plus charpentés, donc l'idée de la revenue est là, ainsi que des contenus pédagogiques, donc qui sont les trois grandes rubriques du site actuel. Et puis il y a eu une révolution de palais au sein de l'équipe du musée de Saint-Marcel. On nous a expliqué doctement que on allait maintenant travailler avec des gens sérieux et que nous on allait retourner au bac à sable. Au bac à sable, exactement. Et donc le coup a été relativement difficile à encaisser, je vous cacherai pas, parce qu'en plus en général c'est jamais très élégant. Et j'ai réuni mes petits camarades, donc Yves-Marie Evano et à l'époque Olivier Porto, qui maintenant est parti monter d'autres projets et qui a été remplacé par Thomas Perronneau. Et on s'est retrouvés trois semaines après et je leur ai dit on n'aura pas le musée mais on va faire le site. Moi je le fais, est-ce que vous voulez? Donc c'est parti comme ça. Et donc moi je revendique l'insolence de ce site, c'est vraiment ça. Mais vous n'avez pas répondu à la question d'Anaïs Quin, c'est-à-dire comment vous faites pour publier autant? Parce que tout compte fait, on a bien compris en écoutant Thomas Perronneau que vous publiez avant même d'avoir conclu vos recherches. C'est-à-dire que en tant qu'historien, vous êtes dans des recherches de long cours et que vous publiez des états de la recherche, pourrait-on dire d'une certaine façon. Mais néanmoins, ça fait des publications nombreuses par mois. Comment fait-on? Alors, pour la revue, c'est pas tant un état de la recherche que, enfin, moi, dans les articles que je publie dans la revue, qu'une recherche en cours, c'est montrer la fabrique de l'histoire. Mm-hmm. On est bien dans le lieu. Alors ensuite, les brèves d'actualité, bah, ça nous permet, moi, je ne fais pas que de la Première Guerre mondiale, ça me permet de changer, d'arriver dans d'autres optiques, de s'ouvrir des horizons, de travailler d'autres périodes que la Première Guerre mondiale, mais les années 50, les années 60, de l'histoire économique, de l'histoire culturelle. Voilà. Donc, encore une fois plus, on est avant tout des fans d'histoire. Donc, Anaïs Quin. Il y a une dimension importante, je trouve, qui était soulignée par Thomas Perronneau dans le reportage, c'est le fait que l'histoire est une discipline de l'écriture et qu'entretenir un site tel que NNVOR, ça oblige chaque jour à écrire, à se poser la question de l'écriture et à être en permanence finalement en train de mettre en récit sa propre recherche. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale si on considère la solitude et le travail d'archives qui parfois éloigne beaucoup de la littérature en histoire. J'ai un côté graphomane, je l'avoue, j'aime écrire. Une journée où on n'écrit pas, je veux pas dire qu'elle est perdue, mais il manque quelque chose. Vous parlez de la solitude des archives, moi c'est vrai que je suis plutôt casanier, donc c'est quelque chose qui me va bien. Mais faire de l'histoire pour soi, ça n'a aucun intérêt, d'où l'intérêt de ce type de site que d'apporter de l'histoire aux gens qu'on espère d'une bonne qualité. Mais parfois, on passe des mois à dépouiller des cartons d'archives, des mètres linéaires d'archives, sans écrire une ligne, finalement. Oui, et puis, moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je fréquente les fonds d'archives et que je fais de l'histoire. Ça peut m'arriver de réutiliser des archives que j'ai prises en note il y a 10 ans, parce que là, mais c'est tout le monde pareil. Hein. L'histoire, elle est fondamentalement celle du temps présent, c'est-à-dire celle qui s'écrit maintenant. Et on peut avoir une idée que 15 ans après avoir dépouillé un carton. Et oui, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans votre site, c'est que d'abord, il ne parle pas que de Bretagne. Il parle de Bretagne, mais dans sa relation avec le monde entier, dans sa relation avec le reste de la France. Mais aussi, c'est de la façon dont vous abordez cette question de l'histoire. Un peu comme nous disait hier les doctorantes en histoire médiévale que nous avions, c'est-à-dire que on a un travail que l'on doit mener pour sa thèse ou pour son master, qui est un travail avec un type d'écriture. Et comme le disait Anaïs à l'instant, eh bien l'écriture pour Enenvor est une écriture différente, peut-être plus claquante, peut-être plus journalistique, peut-être avec des volontés d'attaquer l'actualité et de la mettre en relation avec l'histoire plus longue. Erwan Le Gall. Ah oui, tout à fait. J'ai écouté l'interview dans l'émission d'hier. Il y avait notamment question d'un ouvrage dont vous allez parler, où il était moins question médiéval et militant, moins de racines que de routes. J'aime beaucoup cette métaphore. On est exactement là-dedans, puisque vous parlez d'histoire bretonne. Moi, j'aime pas trop cette expression. Ah oui. Il y a une histoire, elle est en Bretagne. Je trouve qu'elle est en Bretagne, elle est connectée, elle est ouverte. Si vous prenez le dernier numéro de la revue, on a un article sur la PAC 1916 en Irlande, qui est écrit par un historien américain et qui s'intéresse sur les relations avec la Bretagne. Bon, ben voilà, c'est un peu la conception, une ouverture. Et nous, notre seul militantisme, c'est de faire de l'histoire. On ne fait pas de politique, on n'a pas de militance linguistique, alors ce qui est parfaitement honorable par ailleurs, mais ce n'est pas notre sujet. Nous, on fait de l'histoire, rien que de l'histoire, que de l'histoire. Anaïs Kien. Et pourtant, on vous classe facilement dans la catégorie des sites d'histoire régionale, mais vous avez une conception même de l'histoire régionale qui est beaucoup plus ouverte que ce qu'on attend habituellement de ce type de site. D'ailleurs, vous insistez sur le fait qu'il y a de l'histoire, des histoires des Bretagnes et des histoires des Bretons. Et d'ailleurs, Thomas Perronneau travaille sur les diasporas bretonnes qui sont extrêmement diverses et qui couvrent le monde entier. Moi, j'ai toujours fait ce qu'on appelle de l'histoire locale. J'ai travaillé pendant 6 ans en Eure-et-Loire, où je me suis intéressé au maquis de Plainville, notamment. Maquis à côté de Nogent-le-Rotrou, passe Sylvia Montfort et Maurice Clavel. Moi, faire des grandes synthèses, ça, je sais pas faire. Moi, j'ai besoin que ça s'incarne dans un territoire, dans des gens. Mon travail de thèse... Et des gens qui circulent. Qui circulent, bien évidemment. Mais moi, mon travail de thèse, c'est un régiment d'infanterie. Eh bien, j'ai fait une prosopographie pour essayer de connaître chaque personne. Voilà, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime de l'histoire locale. Alors, elle n'est pas forcément très considérée, c'est parce qu'elle est plus en vogue actuellement. Bon, voilà, nous, on ne se pose pas la question, on prend du plaisir. Voilà, c'est ça notre... Mais vous faites une histoire régionale qui devient une histoire mondiale. Oui, parce que je pense que c'est des grilles de lecture, tout ça. Enfin, c'est le concept d'Anne-Marie Thiès, c'est des gigognes patriotiques. On en a parlé dans un bouquin qui s'appelle Petite patrie dans la Grande Guerre avec mes camarades Michael Bourlet et Yann Lagalec, que je profite de l'occasion pour saluer bien tendrement. On peut être breton, on peut être français, mais en même temps, on est de Guingamp, ça va pas être tout à fait la même chose que l'Orient. Voilà, c'est les ethnologues ont décrit ça 50 ans auparavant et on semble le redécouvrir. Bon, c'est des crispations politiques, je pense. Alors, ce qui est intéressant sur ce site, donc où vous postez énormément d'informations, c'est cette relation à l'actualité. Et je me dis effectivement, en vous écoutant et en lisant ce site très régulièrement, je me dis au bout du compte, qu'est-ce qui vous sépare d'un journaliste qui ferait de l'histoire ? Est-ce que c'est du journalisme d'histoire ? Est-ce que c'est de l'historien qui se, d'une certaine façon, réagit à l'actualité parce que cette actualité est porteuse d'une explication que l'on peut donner parce qu'on a depuis longtemps fréquenté les archives. Ce qui est très intéressant dans Enenvor, c'est la façon dont vous saisissez une actualité dont tout le monde parle pour pouvoir aller chercher dans le fond qui est le vôtre. Et c'est un peu le même travail qu'avait fait Malik Haral avec Hervé Gourdel dans son blog Texture du Temps. Elle travaille depuis longtemps sur une forêt en Algérie, forêt dans laquelle ce jour-là a été assassiné Hervé Gourdel. Et elle en a profité sur son blog pour pouvoir immédiatement expliquer tout son travail sur la généalogie de cette forêt dans laquelle avait été tué Hervé Gourdel. Et c'est un peu ce que vous faites à Enenvor. C'est très étrange, en fait, parce que je pense que en vous écoutant, moi, à titre personnel, je veux pas impliquer Yves-Marie et Thomas là-dedans. J'intellectualise pas autant ce qu'on fait, en fait. Je me rends pas compte. Vous me servez de révélateur. Oui, l'historien est un homme de son temps, hein. C'est pas quelqu'un qui est coincé dans les archives, contrairement à ce qu'on voudrait bien croire. Et effectivement, la semaine dernière, donc, on n'aura échappé à personne qu'il y a eu un mouvement social sur un projet de loi sur la durée du temps de travail. Nous, on a trouvé assez intéressant de se replonger en 36 sur la loi des 40 heures. Voilà, c'est donné un petit peu. Alors maintenant, est-ce qu'on fait du journalisme, est-ce qu'on fait de l'histoire? De l'entre-deux? Ouais, un peu des deux. J'en sais rien. Ce site, on nous dit souvent, alors est-ce que c'est un blog ou pas? J'en sais rien. C'est aux lecteurs de se l'approprier. C'est eux qui décideront ce que c'est. C'est ça qui m'importe. Oui, ça vous échappe d'une certaine façon. Oui, très clairement. Anaïs Kien. Et c'est tant mieux. Donc, NNVOR, c'est une revue en ligne, c'est une revue papier aussi, il me semble. Non, uniquement c'est une revue papier, uniquement en ligne. Mais dans le cadre du classement des revues, de la hiérarchie des revues scientifiques, quel est votre regard là-dessus, Erwan Le Gall? Est-ce que vous, à terme, vous souhaitez intégrer ce groupe de revues classées qui permet aux historiens et aux doctorants d'acquérir des points de scientificité dans leur CV? Alors, c'est clairement pas l'objectif, pour la bonne et simple raison, mais là, c'est sans doute une particularité bretonne, hein. C'est qu'il y a une très vieille... Elle est là. Il y a une très vieille, très noble et très belle revue qui s'appelle Les Annales de Bretagne et du Pays de l'Ouest, qui est classée justement revue à comité de lecture. Et nous, c'est exactement la même réflexion que la personne qui anime la revue Clistère. On a considéré qu'il y avait un manque d'espace de publication. Il s'est rentré dans une bibliothèque d'un laboratoire, donc moi en l'occurrence le CERIO, notre laboratoire, on va le nommer. Le nombre de mémoires, de maîtrises ou de masters qui sont absolument passionnants et qui restent sur des rayonnages qui ne sont pas exploités et qui ne sont pas connus. Donc on a considéré qu'il y avait un espace. Et il y a un autre effet, alors là pour le coup qui est purement conjoncturel, qui est l'ubérisation, je dirais, des sociétés savantes qui pour une large part n'ont pas pris le tournant d'Internet, donc qui ne sont pas nécessairement visibles pour les jeunes chercheurs. Nous, on ne prétend pas concurrencer les Annales de Bretagne, ça n'a aucun sens de toute manière. On est clairement, alors je ne sais pas si on est en dessous, à côté, au-dessus, peu importe. Ailleurs. On est ailleurs, on est complémentaires et on est là pour former des jeunes chercheurs que nous sommes aussi pour ensuite aller plus loin. Anaïs Kien. On parlait de l'exercice d'écriture de l'histoire tout à l'heure, Erwan Le Gall. Est-ce que vous réécrivez beaucoup les contributions qu'on vous envoie? Non, pas si c'est vraiment mal. Enfin, en général, quand c'est mal écrit, c'est qu'il y a un problème de conceptualisation, et donc si c'est oui, parce que vous êtes un peu éditeur, c'est que c'est pas bon. Vous êtes un peu éditeur, bien évidemment, d'une certaine façon. Mais c'est le côté. Nous, on est une start-up qui est faite au fond du garage entre 5h et 7h30 le matin, fondamentalement. En même temps, on fait tout par l'émission. Voilà, on fait tout. C'est un côté très artisanal qu'on revendique. C'est le do it yourself. C'est aussi ça, cette génération Internet. Et enfin, moi, je sais que je m'inscris pleinement là-dedans. Ce qui était très intéressant dans toute cette semaine avec ces doctorants, doctorantes, amateurs d'histoire ou professionnels de l'histoire, c'est de voir qu'effectivement, vous comblez des manques de ce qui existe. Manque de l'édition, vous l'avez dit, manque des revues, et qu'au bout du compte, les usages de l'Internet pour les historiens, c'est de se dire, tout compte fait, on a un outil souple, évolutif, très peu rapidement cher. Et peu cher, et tout compte fait, on peut se saisir de cet outil-là pour pouvoir promouvoir des travaux, dire qu'ils existent, faire qu'ils ne restent pas au fond de la bibliothèque sans que personne ne puisse les lire, etc., etc. Erwan Le Gall. C'est le côté tragiquement ironique. Je vous ai dit, on est né d'un échec, donc celui de cette rénovation du musée de la Résistance de Saint-Marcel. Et le côté tragique, c'est que le musée, au jour d'aujourd'hui, est toujours en train de se mourir, qu'il n'a pas, il n'y a pas de reprojet pour qu'il ressorte de terre, alors que nous, on existe. Voilà. Après, c'est dans un cadre beaucoup plus large de... Vous existez, vous faites. Oui, on fait. C'est difficile aussi pour les laboratoires de recherche, pour les universités, pour les archives départementales, pour les musées. Les moyens sont pas extensibles aussi. Et donc, je veux pas dire que les intérêts privés se substituent à la puissance publique parce que ça serait peut-être un petit peu trop caricatural et trop généralisant. Mais il y a un constat de départ, c'est qu'il y a une demande sociale énorme d'histoire. Oui, donc, à partir de ce moment-là, il faut bien y répondre. Oui, enfin, vous dites privé, public. Vous avez tenté d'une certaine façon avec un cabinet d'ingénierie, parce qu'au départ, c'était ce qu'était NNVOR, donc de placer l'historien dans l'entreprise, l'historien dans les collectivités territoriales. On s'aperçoit aussi qu'il y a un leurre de ce côté-là et que si l'université a du mal à employer des jeunes chercheurs comme vous, les grandes entreprises ou les entreprises qui sont supposées ou les collectivités territoriales faire appel à ces chercheurs contre monnaie sonnante et trébuchante ont pas mal de mal aussi à le faire, Erwan Le Gall. Oui, puis là, il y a le problème de ce qu'on appelle l'ingénierie, c'est-à-dire que il faut faire une exposition, je dis n'importe quoi, sur la Première Guerre mondiale. Donc, faut un chercheur. Ce que vous faites aussi, vous êtes éditeur voilà, et exactement. Ingénieur. Donc, faut quand même quelqu'un qui connaisse un minimum les archives et qui sait un minimum ce qu'est la Première Guerre mondiale. Mais il faut aussi quelqu'un qui fasse du Photoshop, il faut aussi quelqu'un qui fasse du développement web, il faut aussi quelqu'un qui fasse de la PAO. Bon, ben nous, on a tout en une personne. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là, Erwan Le Gall ? C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez tout faire. Cette revue est gratuite, on y publie gratuitement et on la lit gratuitement, mais cette gratuité elle-même est un leurre, finalement, puisqu'on est uniquement sur du bénévolat et sur du bricolage de subventions universitaires. Vous êtes en train de souligner le fait qu'on est sans doute meilleur historien que businessman, je suis tout à fait pas d'accord. Pas du tout, je me pose la question de la rémunération oui, de cette bah activité oui, intellectuelle et médiatique de publication, de mise en valeur qui finalement n'est prise en charge par aucune institution et qui repose uniquement sur le bénévolat. Alors, la bonne volonté. Le site a été donc porté juridiquement par une entreprise. Personne n'a gagné d'argent dans ce site-là. Moi, il m'en a plus coûté. Bon, pas des. Et des heures de sommeil pleurer. Aussi. Oui, mais bon, ça se passe. On le veut bien et on a la chance d'avoir un entourage qui l'accepte. Mais voilà, c'est un engagement, clairement. Maintenant, oui, ça ne va pas durer. Le problème, ce que ça pose, c'est la fragilité de ce type de structure. Il y en a deux sur les trois qui se cassent une page, je dis n'importe quoi, et qui ne peuvent pas travailler pendant 6 mois. Bon, voilà. Et donc là, effectivement, voilà, c'est la fragilité. Je ne peux pas vous dire plus. Merci, Erwan Le Gall. Restez avec nous. Nous avons avec nous au téléphone François Toumy. Bonjour, François Toumy. Vous n'êtes pas au téléphone, d'ailleurs. Vous êtes en duplex depuis les studios de France Bleu Basse Normandie qui vous ont reçu à Caen. Merci à eux de vous recevoir. Vous êtes directeur du patrimoine et des musées du conseil départemental de la Manche. Et nous avons repéré, en prévision de cette émission, les postes que vous postez depuis maintenant plusieurs mois sur le groupe de la Fabrique de l'Histoire. Plusieurs années, peut-être même, je ne sais plus, François Toumy, en tout cas, qui ces postes qui valorisent le patrimoine de votre département. Alors, vous y postez des articles, vous y postez des photographies, vous y postez des églises de ce département de la Manche, dans une sorte de centre de documentation, pourrait-on dire, ou avec un travail de documentation autour de ces églises. À quoi ça vous sert, justement, en tant que institution, parce qu'on évoquait tout à l'heure, à l'instant même avec Erwan Le Gall, cette question des institutions par rapport à ces initiatives bénévoles, associatives, privées. À quoi ça vous sert en tant qu'institution d'avoir ce débouché, pourrait-on dire, sur le net et de faire la promotion sur le net de cet environnement, de ces sites et de ce patrimoine, François Toumy? C'est sûr que notre conseiller départemental est une institution plus permanente que votre interlocuteur précédent le présentait sans sa dynamique. Mais pour nous, cet usage des réseaux sociaux est un lien direct avec la vision que nous nous faisons du patrimoine. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer cette dynamique via les réseaux sociaux, parce que pour nous, le patrimoine fait partie intégrante d'un territoire et surtout de sa dynamique de développement. Donc on veut à tout prix que le plus possible d'habitants s'approprient ce patrimoine. On veut travailler avec les acteurs, tous les acteurs du patrimoine dans la Manche. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y en a beaucoup, mais qui sont souvent démunis et assez isolés. On veut travailler avec les collectivités locales. On a un gros travail, par exemple, sur la sauvegarde, la restauration, la mise en valeur des églises rurales, propriété des communes, depuis la loi de 1905. On veut travailler, bien sûr, avec toutes les institutions. Donc, cet outil des réseaux sociaux permet de diffuser les informations, de mobiliser les acteurs et surtout de désacraliser à travers cette démarche spécifique aux réseaux sociaux, avoir de l'humour, surprendre, être léger, parler des choses que l'on ne voit pas. Le réseau de musées que l'on gère, par exemple, beaucoup de gens nous demandent, mais quand vous êtes fermé, qu'est-ce que vous faites ? On travaille pratiquement plus quand on est fermé que quand on est ouvert, parce qu'effectivement, on travaille sur les expositions, on travaille sur les collections, sur la sauvegarde, etc. Il faut rappeler le hashtag sur le réseau Twitter qui s'appelle hashtag jour de fermeture, où beaucoup de musées régionaux et autres, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Versailles, mettent des tweets pendant la journée de fermeture pour expliquer justement comment on restaure un tableau, comment on prépare une exposition, etc. etc. Anaïska. Oui, François Toumi, vous parlez de cet humour qui intervient et qui devient possible lorsqu'on se met en réseau et lorsque la discussion est plus fréquente qu'auparavant. Ça interroge aussi la question même du patrimoine, alors en région mais même au niveau national, c'est-à-dire faut-il tout garder et à quoi cela peut servir aux habitants du présent, à ceux qui sont ici. Cette question même du patrimoine et peut-être des nouvelles vies, des sites, des églises qui parfois sont transformées en bibliothèque d'études, je pense à l'abbaye d'Ardennes, etc. Et qui sont interrogées dans ce qu'elles peuvent apporter à la vie des habitants aujourd'hui. Vous êtes au cœur de la problématique pour l'avenir du patrimoine. C'est-à-dire que nous, notre lecture, on ne veut surtout pas avoir une lecture passéiste de ce patrimoine, on veut surtout pas le figer ni le sacraliser, mais bien au contraire, dans ce que je disais tout à l'heure, l'intégrer dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie du quotidien. Et l'exemple des églises est très intéressant pour ça. Nous avons fait un colloque au Centre culturel de Cerisy l'an dernier sur le sujet, avec des historiens et des développeurs et le clergé, pour connaître un petit peu l'avenir des églises de Normandie. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle façon l'usage de ces églises va évoluer à travers les décennies futures. Il y a une volonté très forte actuellement de vouloir les sauvegarder en tant que patrimoine, et on intervient sur cet aspect-là. Mais dans notre lecture, on n'imagine pas une sauvegarde sans y imaginer un usage. Alors bien sûr, il y a l'usage de conservation d'une qualité architecturale faisant partie de l'histoire de l'art, mais aussi l'usage touristique. Mais probablement, il faut qu'on réfléchisse sur un autre usage, l'évolution de l'usage, qui peut aller jusqu'à la désacralisation, la désaffectation de l'Église à des fins cultuelles, tout en respectant bien sûr cette histoire des lieux. Oui, alors votre participation, vos envois, pourrait-on dire, vos posts, comme on dit sur Facebook, sur le réseau Twitter ou autre, servent, on l'a bien compris, à promouvoir l'action du département de la Manche dans le domaine du patrimoine et des sites. Est-ce que c'est autre chose que de la communication? Parce que ce que disait très bien tout à l'heure Anaïs Quien, c'est que on envoie un message, mais on a des retours de ce message. Il y a des gens qui vous lisent, il y a des gens qui vous critiquent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et Anne-Envor le sait très bien avec Erwan Le Gall, certains des postes de ce groupe de recherche sur l'histoire en Bretagne, subissent parfois des critiques très sévères de la part des lecteurs. Donc on prend un risque aussi à s'exposer de telle manière. Et comment mesurez-vous en tant que directeur du patrimoine et des musées de la Manche, justement, ce risque que vous prenez à vous exposer sur les réseaux sociaux? Alors oui, en effet, le premier objectif quand on a lancé cette page-là, c'était d'informer sur l'ensemble des actions et des possibilités de partenariat avec les acteurs. Mais l'autre aspect, justement, de mobiliser les gens, de mobiliser les associations locales, les communes, et engager un débat, une réflexion vers l'avenir de ce patrimoine, ça a été notre deuxième objectif très, très clairement affirmé. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, on s'est rendu compte que cet outil-là permet d'échanger concrètement. Parallèlement à ça, nous avons engagé une rencontre avec l'ensemble des acteurs du patrimoine qui va déboucher probablement dans quelques mois vers un salon du patrimoine manchois, parce que les acteurs en ont besoin pour se rencontrer, parce que les acteurs en ont besoin pour communiquer à la population un peu toutes ces problématiques d'insertion du patrimoine dans la vie d'aujourd'hui. Anaïs Kien. Oui, je m'interrogeais, Erwan Le Gall, sur cette question de la proximité de l'histoire en région, pas forcément de l'histoire des régions, mais en tout cas cette proximité qui induit aussi un rapport très de promiscuité très fort entre les questions de mémoire et les questions d'histoire. D'ailleurs, Anne-Envor, cela veut dire en mémoire d'eux, alors que vous-même vous affirmez que le plus important pour vous, c'est de faire de l'histoire et que vous êtes même vous-même un chercheur en histoire. Oui, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un établissement public sous tutelle du ministère de la Défense où j'étais chargé des questions de mémoire, justement, des conflits contemporains, essentiellement Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Algérie. Donc, moi, j'ai une appétence vraiment particulière pour ces questions-là. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez et sur ce que vous disiez notamment sur l'émission d'hier. Je pense qu'il y a un seuil de génération qui est intéressant. Vous posez la question du risque qu'il y a. Oui, du risque en tant que chercheur à s'exposer avec un autre langage sous une autre forme que la forme, disons, académique. Et puis on est surpris parfois de certaines sensibilités. Je me souviens, il y a quelques années, nous avions fait un documentaire sur l'histoire d'Anne de Bretagne. On a dû faire un droit de réponse quasiment en direct parce qu'on avait eu l'indélicatesse d'affirmer qu'Anne de Bretagne n'était pas bretonne. Donc... On est en fait, enfin moi c'est comme ça que je considère ce qu'on fait. On est dans la diffusion au plus large public. Alors en reprenant, mais concrètement, on est vraiment les enfants de ça, de tous les travaux de déconstruction qui ont été faits dans les années 70-80 des appartenances régionales. Et donc on apporte Anne-Marie ça. Anne-Marie Thiès, exactement. Anne-Marie Thiès. Fait partie de mon panthéon personnel. Mais le nôtre aussi. Ça tombe bien. Donc on est vraiment là-dedans. Et oui, et si vous prenez par exemple en Bretagne, il est vrai que aujourd'hui ça se traduit politiquement dans les urnes, dans un mouvement avec un candidat déclaré pour les prochaines élections présidentielles. Donc Christian Troadec et le mouvement des Bonnets Rouges pour ne pas le citer. Alors moi je suis pas dans une position à dire c'est bien, c'est mal. Pour être honnête avec vous, les problèmes économiques que rencontre la Bretagne actuelle, ça me dépasse très largement parce que je ne suis pas assez qualifié pour avoir un avis autorisé sur la question. Par contre, l'usage de l'histoire qui est fait, ça m'intéresse. Et là, on intervient dans ce qu'on sait faire. C'est notre job. François Toumi, c'est une des questions, ces usages de l'histoire, parce qu'on sait très bien que le patrimoine, ça n'est pas simplement un donné, c'est un construit, qu'on décide à un moment ou à un autre qu'une église, c'est du patrimoine et que l'église d'à côté, ça n'en est pas, que beaucoup de questions se posent, par exemple, sur la sauvegarde des églises du 19e siècle. Disons tout compte fait, ces architectes qui ont construit à tire-larigot des églises et qui ont peuplé de mauvaises églises en mauvaise architecture néo-gothique, tout l'ouest de la France, eh bien, il faudrait peut-être les laisser tomber d'elles-mêmes. Et on voit bien que ça pose des questions. Ces débats-là, en l'occurrence, ils doivent ressortir à un moment ou à un autre quand on est directeur du patrimoine et des musées et qu'on s'aventure sur le net dans les réseaux sociaux, François Toumi. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est des enjeux majeurs. Il y a l'attachement de la population. Alors, quand on parle des églises, alors à leur église, qu'elles soient d'ailleurs d'intérêt majeur pour l'histoire de l'art ou pas, hein, même les églises du 19e, comme vous les citiez, il y a des choix à faire, assurément. On peut pas trop préserver, tout sauvegarder. Vous parliez tout à l'heure de la réflexion sur la mémoire, l'histoire. Nous, on est très confrontés à ça avec les plages du débarquement. Bien sûr. Dans le réseau des musées, nous gérons une batterie allemande. Et effectivement, on veut le discours officiel, c'est-à-dire de passer de la commémoration et de la mémoire à l'histoire. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, effectivement, à travers ce travail sur le historique, sur la batterie, travaillant sur la garnison allemande, ses relations avec la population pendant la guerre et le devenir de cette batterie juste après-guerre, parce que tout ça, ça a été complètement éludé. On a engagé avec la DRAC des recherches archéologiques sur le site. Oui, donc ça, oui. C'est des choses nouvelles qui permettent d'alimenter une réflexion historique. Oui, mais quand on commence à travailler sur les relations des gens de la batterie allemande avec la population, on peut être confronté à des problèmes de mémoire, parce que peut-être tout le monde autour de cette batterie n'était pas aussi résistant qu'on aurait pu le souhaiter. Donc De mémoire et d'omerta, effectivement, il y a eu des, bah, évidemment, comme tout. Il y a falaise aussi avec la reconnaissance des victimes des bombardements. C'est intéressant du point de vue de la mémoire. Complètement. Oui, François Toumi. Donc, on est effectivement confronté à ces échanges-là. Pour revenir à Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, on a effectivement une bonne réactivité des auditeurs, enfin des fans par rapport aux pages. Et on a engagé timidement, mais on va la développer, une démarche qui se veut plus participative en question d'internautes sur l'identification de certains objets. Donc ça, c'est intéressant. Des objets, c'est pas un jeu, c'est vraiment des objets dont on ne connaît pas l'usage. Et qu'on veut effectivement étudier plus finement en lançant des appels. C'est une sorte de schmilblick manchois, c'est ça? Oui, ben Schmilblick, mais c'est pas un jeu. C'est vraiment une recherche historique. Oui, bien sûr, j'ai compris. Lançant aussi des appels pour la recherche de nouveaux objets de collection. Là, on engage un gros travail sur la période de la reconstruction d'après-guerre, qui était très prégnante dans le département et Allô, le département voisin. Et là, effectivement, on a lancé des appels pour identifier, éventuellement collecter des objets de cette période-là. Et ça marche petitement encore, mais effectivement, on essaie de développer ce genre de dynamique très participative. Rappelez-nous le site où on peut donc voir toutes ces propositions de la part du directeur de patrimoine et des musées de la Manche, que alors, vous êtes, François Thomy. C'est de ma part, mais c'est ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 17 contributeurs. C'est un peu l'originalité de cette page Facebook. C'est que beaucoup de mes collègues, qui sont historiens dans différents domaines, contribuent au développement et l'adresse, de ces postes. L'adresse, alors bon. L'adresse de page Facebook, c'est Patrimoine et Musée de la Manche, et le site internet, c'est patrimoine.manche.fr. Et pour NNVOR, c'est très simple. NNVOR.fr. NNVOR.fr. Merci à Erwan Le Garn et merci à Thomas Perronneau ainsi qu'à vous, Anaïs Quin, à demain. D'avoir préparé cette émission. Et à demain. Demain, nous parlerons de toute autre chose puisque nous serons dans une journée consacrée à la Syrie, 5 ans après le déclenchement de la guerre en Syrie. Combien cette guerre en Syrie a déclenché une guerre presque mondiale, en tout cas européenne, et comment l'Europe a été obligée d'y répondre. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Nous avions Jacques Hubert et Renaud Dalmar, beaucoup de Bretons de l'autre côté de la vitre aujourd'hui. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Et si vous voulez nous rejoindre après cette semaine consacrée aux auditeurs samedi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre donc à la Sorbonne entre 10h et 18h. Anaïs Quin, vous animerez la table ronde qui commencera à 14h avec Denis Crouzet, Patrick Boucheron et Jenny Raflick, qui s'intitulera « Dompter la peur ». Mais il y aura bien d'autres sujets traités dans cette journée à la Sorbonne, l'année vue par l'histoire, avec Paris-Sorbonne Université et le rectorat, l'Académie de Paris. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de France Culture et téléphoner au 01 56 40 37 53, 01 56 40 37 53.